Yeah, vite tu m'as la prod. Écoute. Je déverse peu d'encre depuis que Light t'es capri plat. J'grappe mes textes sur un bloc-notes et mon bol berry black. Pas ignorant mais au courant de tout ce qui se passe. Les hommes polluent la terre, rendent en poubelle l'espace. Pas surpris de les voir s'acharner pour la technologie. Depuis que les riches font du tiers, on leur terre promise. Le pétrole leur noir, l'eau étant la galère du pot. Pas tué pour de l'ivoire quand d'autres cherchent des miettes à l'eau. Le pronostic vital comparé au génocide. Quand la détresse du SDF comporte des génocides. Occupés plus par l'affaire des escaux au steak que leur propre pays qui ne s'épargne pas de la dette. Une conscience perdue du fait de voir pire ailleurs. Insoucieux du mal-être comme le profit des tirailleurs. L'homme te vend du rêve avec ses portables d'un écrit pendant que des familles survivent de l'infantile pornographie. Petit geek en survie, on kick sans fin. Globetrotteur sur écran, on kick sans moyen. Une seule conscience attachée à la cause. 75 dans nos délires, la technologie implose. Petit geek en survie, on kick sans fin. Globetrotteur sur écran, on kick sans moyen. Une seule conscience attachée à la cause. 75 dans nos délires, la technologie implose. Fuck the world, appelle-moi Geekonem. La World Company team injectée dans les veines. Nouvelle iPad, c'est pas mon voisin boule. D'un demi salaire englouti dans sa face comme un putain de dem. Consumériste, blas qu'on s'aime, ça pue la loose. 2012, la crise guette et nous polarise tous. Choc social entre faux semblants et blues. Comme des roses sur un tas de bouse. Le monde s'écroule en live and direct. Et chaque mouvement se répète dans la pupille de ma kinette. Et ça, qui là. Clébrolo se rhabille, les manifs ne sont qu'un deal. Que de syndicats dociles comme Didi Why. On se radicalise, acte et résistance. Quand nos acquis ont pulvérise. Oh, comme Greenpeace, démontrer les failles. En attendant ce buzz, c'est sur iPhone que je me pavane. Petit geek en survie, on kick sans fin. Globetrotteur sur écran, on kick sans moyen. Une seule conscience, attachée à la cause. 75 dans nos délires, la technologie implose. Petit geek en survie, on kick sans fin. Globetrotteur sur écran, on kick sans moyen. Une seule conscience, attachée à la cause. 75 dans nos délires, la technologie implose. Hey, c'est high-tech sur tous les fronts, sensation d'esprit. Puissant fond, c'est à nos frais, se font ces révolutions. Arrimer à nos vies, perte de conviction. Écran haute définition qui noie nos impressions. On paraît sonné par la peur de leur pouvoir. Quand un don reflète un fantasme illusoire. Crois pas que leur iPod nous grille les neurones. Un effet de mode furtif, visant le crâne de nos mômes. On est pisté à chaque poste, Google Lise et Facebook pour juger. Si t'as la gueule de l'employé du mois, ma conscience en rabais, fais les soldes. 30% sur un MacBook pour oublier leur code. On militera le poing levé, le mic dans la peau. Montre à ces chiens qui dévoreront leurs pommes. Quand le pita boit, c'est que la proie va prendre cher. Bien plus qu'un devoir que de préserver notre terre. Petit geek en survie, on kick sans fin. Globetrotteur sur écran, on kick sans moyen. Une seule conscience, attachée à la cause. 75 dans nos délires, la technologie implose. Petit geek en survie, on kick sans fin. Globetrotteur sur écran, on kick sans moyen. Une seule conscience, attachée à la cause. 75 dans nos délires, la technologie implose. Ok fanboys, iTunes c'est branché. S-R-A-D-R-Z laisse passer. A nos geekos en survie. Original rap story.